Leçon 1. Exercice 9. Jeu de son. Je suis Julien. Je suis Brigitte. Bonjour, Julien. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Paris. Bonjour, Catherine. Bonjour, Arthur. Bonjour, Martine. Toi et moi. Moi et toi. Au revoir. Au revoir. Monsieur Lecombe ? Non, non. Lacombe. Charles Lacombe. Bonjour, Monsieur Lacombe. Je m'appelle Madame Blanchard. Comment ? Blanchard. Brigitte Blanchard. Moi, un voisin. Toi, une voisine. Moi, je suis Martin. Et tu t'appelles Catherine.